cagoulé dans ton ghetto. Tout le monde met en l'air vite tes poches, ton compte, personne mettra son veto. Tu veux ma pauvre petit bâtard, sache qu'une chose fausse, le veto. Mais son vent tourné en France comme RNT de veto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. J'terre, c'est la danse du ghetto. Quand j'quitte ces choses, c'est la panicule. J'suis pas Molière, les mots j'manipule. Ils font les gros, ils n'ont pas les filos. Ils sont claqués comme les darons, leur claqué de filo. J'suis professeur, ils vont prendre mes leçons. J'suis le meilleur, et ça les vrais leçons. C'est pour Mertner, 12 et les vrais leçons. C'est 12 des putes qui rappent avec Ferranité. Pour des sous-hitters, on s'y rend tout. Là, c'est du rhum, j'suis en train de siroter. J'y replaquette, là, j'suis sur le rinqué. Ici, c'est le brûle comme à Toronto. Mais c'est la guine de coco dans le jean de deux que la prendre comme menace. Ils vont reculer, j'les ai tous enculés. Je vais tous les braquer, je débarque en bête sur cagoulé dans ton ghetto. Tout le monde met en l'air, vite tes poches, ton compte, personne mettra son veto. Tu veux ma pauvre petit bâtard, sache qu'une chose fausse, le veto. Mais son vent tourné en France comme RNT de veto.